La fourmi dépaysée. De contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La fourmi dépaysée. À Mounet Sully. J'ai dans mon jardin une fourmilière, d'une espèce rare et particulière. Ces nombreux sujets sont de vrais amis. Je ne connais pas toutes mes fourmis, mais comme elles ont un air de famille, bien que cette race a bon droit fourmis, je suis sûre, ailleurs si j'en rencontrais, de les reconnaître à de certains traits. J'ai même idée, ou l'orgueil peut-être, que toutes aussi doivent me connaître, juger du lien qui nous réunit. Je n'ai jamais mis un pied dans leur nid, et j'ai même aidé parfois la nature en leur avançant quelque nourriture. Bref, je dois avoir du crédit là-bas, si les animaux ne sont point ingrats. Un jour, je quitte mon cottage pour prendre le chemin de fer. J'allais faire en Suisse un voyage, sous prétexte de changer d'air. Mon pauvre pays, me disais-je, est de politique assourdie. Allons, à travers glace et neige, cherchez le soleil du midi. Si la France ingrate m'oublie, si l'esprit public est ailleurs, j'irai chercher en Italie des juges plus doux et meilleurs. À vain qu'en passant la frontière, je vis courant sur mon habit une fourmi, par la portière, d'un mouvement leste et subi. Je la jetai, puis de me dire, méchant, quel crime ai-je commis, car la pauvre bête martyre était une de mes fourmis. Sans doute elle sera montée par ma bottine ce matin, et c'est moi qui l'aurai portée jusqu'ici, c'est plus que certain. Oui, forme, couleur, corpulence, tout s'accorde au signalement. Par quelle fâcheuse influence, par quel funeste égarement, ai-je exilé ce petit être qui me suivait de bonne foi, croyant que je le dois connaître, puisqu'il me reconnaît bien, moi. Je me pris à songer alors à la victime, que j'avais sottement dévouée à l'abîme, sous un ciel inconnu, dans un pays lointain. Que vas-tu devenir, fourmi de mon jardin? Quel sera ton abri? Car enfin tes pareils habitent des maisons, ainsi que les abeilles. Mais celle-ci, du moins, par les chemins de l'air, pourrait gagner enfin le lieu qui leur est cher. Est-ce que tu pourrais, de tes pattes menues, parcourir de nouveau des routes inconnues? Admettons un moment qu'un instinct naturel t'indique le rayon du logis maternel. Que d'obstacles partout, de labeur et d'épreuves. Les rochers, les ravins, les montagnes et les fleuves. Il faudrait plus d'un siècle à mesurer tes pas pour atteindre le but que tu n'atteindrais pas. Iras-tu demander asile à des insectes, d'autres communions, d'autres mœurs, d'autres sectes? On te repousserait, car pour toute fourmi, tu sais que l'étranger est toujours l'ennemi. Livrée à l'aventure, errante, vagabonde, sans abri, sans un trou dans la terre profonde, exposée à la pluie, aux injures de l'air, tu vivras pour mourir au premier froid d'hiver. Ô patrie, ô foyer, ô trésor de famille, un homme vous dédaigne, un autre vous gaspille. Par besoin de parler ou de faire parler, on s'exile soi-même ou se fait exiler. On a dit mille fois, et je l'ai dit moi-même, que la seule patrie est au lieu où l'on aime. Mais alors, ces liens si doux et si puissants ne seraient qu'un caprice ou du cœur ou des sens. Non, c'est le sol natal. Ô mère, ô ma patrie, je ne te quitte pas ingrate ni meurtrie. C'est là le seul amour qui ne puisse changer. Est-ce aimer son pays que vivre à l'étranger? Fin de La fourmi dépaysée, enregistrée par Margot.